s'exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions. Je suis Maxime, votre animateur. Aujourd'hui, on va faire une émission autour du thème du paranormal. Donc aujourd'hui, je suis avec Éléonore. Bonjour. Et je suis avec Audrey. Salut. Le crew de d'habitude de Coexister. Donc on va commencer direct sur les chapeaux de roue. Est-ce que vous, personnellement, vous croyez ou vous avez eu des expériences paranormales ? Moi, personnellement, je sais pas trop où je me positionne, mais je pense que plutôt j'y crois. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi qui ont vécu des expériences paranormales. Moi-même, je sais pas exactement si j'en ai vécu ou pas. Mais du coup, ben, je me dis, dans tous les cas, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Et ça, j'y crois. Je me dis, c'est pas possible que tout le monde mente, quoi. Donc voilà, ça, j'y crois. Après, le sens que je mets derrière, je sais juste pas ce que ça signifie. Je sais pas si je crois aux fantômes, aux esprits ou quoi. Mais je dirais plutôt oui, j'y crois. D'accord. Et toi, Audrey ? Non, moi, j'ai jamais vécu d'expérience paranormale et c'est pas quelque chose dans lequel j'ai spécialement baigné non plus. Donc je dirais pas que j'y crois. C'est pas quelque chose qui fait partie de mes croyances. Et est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose qui pourrait se qualifier de paranormal ? Alors, moi, dans ma famille, beaucoup, en fait. Mes parents, ils sont assez spirituels et tout ça. Dans ma famille, il y a beaucoup de choses. Je peux vous raconter quelques expériences, en gros. Nous, c'est plutôt des rêves prémonitoires, en gros. Il y a plusieurs rêves. Donc, par exemple, ma mère, une fois, elle avait rêvé... mon père faisait de la moto à l'époque et elle avait rêvé que mon père avait eu un accident de moto avec un pull particulier, un pull violet qu'ils mettaient tous les deux. Et du coup, quand elle s'est réveillée, elle était en panique et du coup, elle s'est dit « je cache ce pull tout au fond de l'armoire ». Donc voilà. Et puis un mois après, elle se dit « oh là là », elle retombe sur le pull, elle se dit « oh là là, je suis quand même un peu stupide moi avec mes rêves prémonitoires, je sais pas trop quoi ». Elle dit « il est super beau ce pull, je vais le ressortir ». Et quand mon père l'a mis, il a eu un accident de moto. Et du coup, elle a l'image de voir mon père allongé, inconscient, avec le pull découpé en morceaux juste à côté. Donc ça fait quand même une sacrée coïncidence qui est un peu particulière quand même. Bon, je vous rassure, mon père va bien. Mais voilà. Il y a un autre rêve qui, pour moi, est encore plus marquant, je trouve. Bon, c'est pas très joyeux. Hein. Mais en gros, ma sœur se réveille un matin... Et dit, j'ai fait un cauchemar cette nuit, c'était horrible. J'ai rêvé que notre cousin, il était en prison parce qu'il avait renversé quelqu'un, il l'avait tué. Donc voilà, nous on fait, c'est un rêve, voilà. Et en fait, 2 heures après, ma tante appelle ma mère en pleurs. Mon cousin était effectivement en garde à vue, il avait eu un accident de voiture cette nuit-là. Bon, c'était pas lui qui conduisait, mais quand même, effectivement, il s'était passé ça et il était en garde à vue. Et du coup, c'est quand même assez marquant parce que tu te dis, c'est quand même la nuit même qu'elle en a rêvé, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est quand même un événement assez improbable. Et ce dont elle avait rêvé, c'était assez précis, quoi. Ouais, c'est donc, quand même une sacrée coïncidence qu'elle ait rêvé de ça juste avant l'événement, quoi. C'est ça. Et du coup, comment t'as réagi, toi, quand ta mère et ta sœur t'ont raconté ça ? Alors, moi, j'étais très petite, c'est des histoires on raconte entre-temps... beaucoup parce que ça nous a vraiment marqué. Donc je sais pas trop comment j'ai réagi sur le moment, mais du coup j'ai aussi grandi avec ces images-là. Moi-même j'ai aussi fait des espèces de petits rêves prémonitoires, mais beaucoup moins marquants, des petites choses. T'as des exemples ? Oui, par exemple j'avais rêvé. Alors je savais même pas ce que c'était. Enfin j'ai fait une filière un peu particulière, ça s'appelle Abibac. Je faisais la moitié de mes cours en allemand. Et du coup, quand j'étais au collège, je ne savais même pas que cette filière-là existait. Et j'avais fait un rêve où j'étais dans une classe particulière, où je voyais le prof que j'ai eu après, qui parlait allemand. Enfin, je supposais qu'il parlait allemand parce que je ne comprenais pas grand-chose. Et voilà, et après, il se trouve que 2 ans après, je me suis retrouvée exactement dans cette classe avec ce prof-là. Donc voilà, après, c'est moins flagrant parce que dans ma tête c'était plus flou et c'était un rêve que j'avais eu il y a longtemps, etc. Mais sur le moment ça fait bizarre, quoi. Tu te dis mais attends, j'ai rêvé de ce moment-là et ce prof-là je le connais. Et du coup c'est assez particulier. Et tu penses pas que ça peut être lié à un espèce d'effet de déjà-vu un peu ? Le truc c'est que j'ai aussi des déjà-vus comme tout le monde. Et c'est totalement différent dans le ressenti parce que le déjà-vu c'est une fraction de seconde, c'est... Puis c'est exactement un peu la même chose, en mode, mais attends, j'ai l'effet déjà vu. Mais là, c'est vraiment l'effet de, mais j'ai rêvé de ça. Et c'est un peu toujours un peu différent, mais je me souviens surtout que j'ai tendance à noter mes rêves, etc. Et du coup, je peux retrouver. Donc, ouais, non, pour moi, c'est pas un effet de déjà vu. Mais du coup, comment tu pourrais un peu expliquer ça Enfin, d'avoir rêvé de ce genre de choses, tu vois, à l'avance. Ouais. Si tu peux pas répondre. Honnêtement, j'en sais rien, justement. Enfin, j'ai tendance à croire que, effectivement, il y a peut-être des choses qui s'expliquent. Après, peut-être aussi que il y a peut-être quelque chose d'inconscient qui se crée. Peut-être que j'avais entendu parler de cette filière-là, que j'imaginais des choses, que sur le moment, mon cerveau s'est dit oui, c'est cette personne-là, alors qu'en fait, c'était quelqu'un d'autre. Et puis j'ai associé le rêve à cette expérience. T'aurais fait un espèce de lien entre les deux. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, c'est vrai que sur le moment, ça fait bizarre, quoi. Oui, c'est totalement compréhensible. Et toi, Audrey, t'as déjà vécu un truc dans ce style ? Non, absolument pas. Enfin, j'ai jamais vécu d'expérience paranormale où j'ai peut-être fait des rêves avec des choses similaires qui arrivaient le lendemain, mais je donne pas d'importance à ça. Enfin, c'est pas. Je me dis que c'est juste une coïncidence et non, j'ai jamais eu d'expérience spécialement qu'on pourrait qualifier de paranormale. Tu te dis que c'est juste un rêve et que ça veut pas dire grand-chose, quoi. C'est ça. Après, au-delà des expériences vraiment de rêves précis, il y a aussi pour moi tout ce que je peux ressentir comme sorte d'énergie. Enfin, c'est pareil, c'est un concept qui est super flou. Mais par exemple, une fois, il y a un hôpital psychiatrique abandonné dans mon village. Du coup, on l'avait visité en soirée. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai voulu mettre un pied dans une salle. Et vraiment, genre, je ne pouvais pas rentrer parce qu'il y avait, pour moi, comme une énergie tellement négative que vraiment, c'était impossible de rentrer. Et en fait, il y a une autre pote à moi qui a ressenti exactement la même chose à un autre moment. On s'était séparés dans la visite sur cette salle-là. Et du coup, ça, c'est pareil pour moi. C'est beaucoup moins précis, mais il y a aussi tout ce monde-là d'énergie qui est assez particulier, je trouve. Tu penses pas que ça, c'est un truc qu'on pourrait expliquer en soi, mais vu qu'on est dans le truc très... très momentané et t'es dans un mood aussi où t'explores un truc abandonné, un ancien hôpital psychiatrique, tu vois, c'est un peu être un espèce de petit biais psychologique qui dit que ton cerveau il devient un peu parano et puis il s'imagine des trucs, tu vois. Ouais, absolument, on en parlera peut-être après, mais ce qui est sûr, c'est que ce que je pense, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer et après, en fonction de si on croit ou pas au paranormal, on lui donne l'explication qu'on veut. Enfin, comme disait Audrey, elle a pu faire des rêves où elle a pu avoir des situations similaires. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais tout de suite dit j'ai fait un rêve prémonitoire. Alors que, je suppose que pour toi, c'est plus une coïncidence ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, pour moi, c'est des coïncidences. C'est pareil, tu parlais d'énergie et de choses comme ça. Pour moi, c'est pas une histoire d'énergie ou d'ondes ou de choses comme ça. C'est juste des lieux où on se sent bien et des lieux où on se sent pas bien. Et effectivement, je pense que quand tu vas visiter un lieu comme ça qui déjà te fait peur à la base, je pense que ton cerveau, il se met déjà en mode un peu parano et tu te sens pas forcément bien. Et du coup, ça crée des moments où tu vas pas te sentir bien dans le lieu en question. Mais je pense pas que ce soit parce qu'il y a des fantômes ou des entités quelconques. Et en soi, le paranormal, ça pourrait être... une sorte d'explication qu'on pourrait donner pour se rassurer se rassurer entre grosses guillemets de quelque chose qu'on peut pas expliquer dans l'instant T, quoi. Ouais, sans doute. Après, moi, dans ma tête, il y a forcément quelque chose qui est au-delà de ça, en fait, parce que c'est tellement partout et il y a quand même des choses qui sont assez dingues que Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer rationnellement pour moi et qu'on ne pourra jamais expliquer. C'est quand même une croyance qui date de y a tellement longtemps et qui est présente dans toutes les cultures que pour moi, ça va au-delà de juste des simples coïncidences. On voit donc bien que vous avez des avis totalement différents et opposés sur le paranormal. Et pour l'occasion de cette émission, on s'est demandé ce que vous en pensiez. On est donc allé vous demander dans la rue si vous aviez déjà vécu des expériences paranormales et si vous y croyez. Et je vous propose d'écouter ce qu'on a pu enregistrer. Alors moi j'ai vécu pas mal d'expériences paranormales et ésotériques. Là, je pense que vous parlez un peu à une personne qui est plongée dedans ouais, depuis sa plus tendre enfance. Et, du coup, des expériences, j'en ai connu des tas et des tas. Plusieurs dans ma jeunesse où on était plusieurs témoins. Mais à chaque fois, on se posait la question, se dire qu'on n'avait pas de preuves réelles. Est-ce que c'était, est-ce qu'on a eu une hallucination? Qu'est-ce qui s'est passé? Et dernièrement, 4 ans, 5 ans, j'ai eu une expérience où là, je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, il y avait des preuves. Et cette fois-ci, il n'y avait plus de doute. Alors, c'est un peu dark. Hein. Oh. J'ai assisté à un exorcisme. Ok. Oh, ok. Donc, de quelqu'un que je connaissais. Et quelqu'un qui, de base, ne croyait pas forcément à ça. Et là, il y avait des faits, des choses. Ça m'a rendu dingue. Ça a bouleversé ma façon de penser. J'en ai pas dormi pendant des nuits et des nuits et des nuits. Et en fait, il y a des faits, en fait. Force surhumaine, le fait de parler des langues que tu ne connais pas. Enfin, plein de choses comme ça. Okay. Des hématomes qui apparaissent sur le corps. Okay. On dit que c'est des entités qui s'accrochent à toi. Et, voilà, il y a eu plein de choses qui sont arrivées où là, il y avait vraiment plus de doute. Ça m'a traumatisée dans le sens où je fais beaucoup de rêves connectés. Avec mes frères et sœurs, par exemple, ou avec, avec la famille. Je vais me réveiller, je vais appeler ma sœur, je vais lui dire, j'ai rêvé de ça. Elle va me dire, moi aussi. Et on sait qu'il va se passer quelque chose, quoi. Mais du coup, ça m'a pas mal... En fait, j'ai l'impression, prenez ça comme vous voulez, mais j'ai l'impression que ça m'a comme ouvert un troisième œil, en fait. Okay. Et que j'ai une hypersensibilité, du coup, à ça, à ces vibrations, à ces ondes qui sont autour de nous, qu'on voit pas forcément, mais qu'on ressent, et qu'on peut ressentir très fortement. Mais ça m'a quand même pas mal bouleversée. Du spiritisme. Okay. Quand j'avais 17 ans. Le verre a bougé, on était avec des esprits du mal, donc ça avait tourné court. Enfin, ça avait tourné court. On avait accéléré la fin de la séance. Il ne faut pas y accorder plus d'importance. Enfin, on peut légitimement, on cherchera à faire des rapprochements. Ouais. Mais. Non, je pense qu'il y a des choses rationnelles qui expliqueront un jour on saura pourquoi. Il y a des télékinésies, on sait qu'il y a des ondes, il y a des forces électriques qu'on ne connaît pas bien aujourd'hui, mais qui existent quand même. Et puis moi je suis assez médecine parallèle, donc c'est. Je m'intéresse aux médecines parallèles, donc je pense aussi à des choses qui ne sont pas bien connues dans notre culture, et puis en tout cas voilà, qui ne sont pas dans notre culture occidentale en tout cas, mais aux énergies que l'on a dans le corps, tout ça. Donc voilà. ça explique certainement des manifestations objectives, matérielles, physiques, concrètes. Mais après le reste, voilà. Encore une fois, on voit qu'il y a des avis assez divergents, mais en soi c'est vachement intéressant ce qu'il raconte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi perso, enfin, j'étais déjà super surprise parce que vraiment la première personne que vous avez entendue là, c'est vraiment la toute première personne qu'on a interrogée. On est tombé sur elle directement et enfin dans ceux qu'on a interrogés, on a vraiment pas interrogé beaucoup de personnes. Il y avait tout de suite des personnes qui avaient vécu quand même des expériences. Et après, ce qui diffère, c'est vraiment l'interprétation qui se fait derrière, quoi. Donc, moi, ça m'a un peu renforcée en plus. Surtout la première personne, ce qu'elle racontait, c'est quand même vraiment incroyable. On en a discuté un petit peu après hors micro. Mais c'est vraiment. Il y a eu, en gros, un sort qui a été jeté sur la personne qui a vécu un exorcisme. Et du coup, après, genre, elle s'est mise à parler en arabe, en hébreu, alors que c'était des langues qu'elle ne maîtrisait pas. Et elle le parlait d'une manière super précise et juste. Et moi je me dis, mais quand même c'est fou, enfin c'est pas possible autrement, quoi. Et après chacun interprète comme il veut, mais voilà. Pour moi, c'est des choses qui sont assez déconnectées de ma réalité, en tout cas. Enfin, après je respecte les gens qui croient en ces choses là mais en tout cas pour moi il n'y a pas d'histoire d'énergie. Les exorcismes, pour moi il y a toujours déjà une cause psychologique. Enfin, pour moi, la place d'une personne qui aurait besoin d'un exorcisme, selon certaines personnes, c'est plus auprès d'un psy ou d'un psychiatre ou d'un médecin, mais sûrement pas auprès d'une personne qui pratiquerait l'exorcisme. Ça me rappelle une histoire que j'avais entendue où il y a une fille dans les années 1600, 1700, je sais plus exactement, je saurais plus dire son nom, mais en gros, elle s'est fait exorciser maintes et maintes fois, et elle en est finie par en décéder tellement, tellement ça allait plus. Mais au final, il s'est avéré qu'elle avait juste des maladies psychologiques qui ont fait qu'elle se comportait ainsi, etc. Et au final, tu vois que c'est selon vraiment l'interprétation des gens, ça peut amener à des choses, à des avis complètement différents, quoi, sur la même chose. Comme disait une des personnes dedans, ça dépend juste de l'interprétation de la chose en soi. Ouais, bah carrément. Après, je pense que ça dépend aussi de la façon dont les gens vont interpréter. Mais personnellement, moi, je pense que ça peut même être dangereux. Enfin, il y a des interprétations qui peuvent être dangereuses parce que, par exemple, une personne qu'on va emmener se faire exorciser alors qu'elle aurait besoin de voir un psychiatre ou de voir un médecin, et on passe à côté d'une pathologie qui pourrait être peut-être lourde. Bah, pour moi, c'est quelque chose qui reste dangereux. C'est ça, parce que après l'exorcisme, ça, je suis pas super calé dessus, mais ça relève quand même du spiritisme, et c'est pas de la médecine, quoi. Si la personne a un problème mental, quoi, a besoin d'un psychiatre ou d'un psychologue, c'est pas avec quelque chose de spirituel, je pense, que ça pourrait l'aider, quoi. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. De toute façon, il faut faire super attention à ce qu'on fait avec ça. Enfin, on en parlera aussi dans la deuxième partie. Après, là, pour préciser un peu le contexte de la personne qui parle d'exorcisme, il se trouve que la personne en question, elle était totalement normale. Et c'est juste qu'il y a eu, à un moment donné, il y avait, en gros, le petit frère de cette personne qui a été exorcisé voyait une ombre toutes les nuits. Et du coup, leur mère a voulu lire un texte du Coran pour faire chasser les mauvais esprits. Et en fait, c'est la personne qui a été exorcisée après qui a réagi et qui a commencé à crier, à dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» etc., à jeter la radio par terre. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle a été exorcisée. Mais dans la vie quotidienne de tous les jours, c'était une personne normale, sans souci, quoi. Oui, après, on n'est pas là pour blâmer les gens qui font ça. Au contraire, vous faites bien ce que vous voulez, mais dans le sens où... dans le cas que t'as expliqué, ça peut l'avoir aidé à la rassurer sur une certaine chose, et si ça l'aide à vivre mieux dans la vie de tous les jours, en soi, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est quand ça vient à des choses qui sont vraiment concrètes, comme des gens qui ont des maladies psychologiques, ouais, ou des cas de maladies psychologiques, dans ces cas-là, ça peut peut-être devenir un peu dangereux, parce que... L'exorcisme en soi va pas régler sa maladie, quoi. Voilà, et c'est ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est là tout ce qui se passe aussi avec les personnes qui sont homosexuelles, qui sont envoyées faire de l'exorcisme parce que soi-disant elles seraient malades pour chasser le démon homosexuel en eux, et il y a des choses extrêmement graves qui se passent derrière, c'est vraiment très dangereux, ça, effectivement. Ouais, faut quand même avoir une certaine connaissance hors ésotérisme derrière pour essayer de comprendre, la part des choses. La part des choses entre ce qui est vraiment réel et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et qui pourrait être réglé par des choses spirituelles, quoi. Oui, totalement. Parce que si on prend l'exemple de ce que tu dis, les personnes homosexuelles, c'est un truc physique, c'est un truc dans ton cerveau qui change, c'est pour ça que tu as une sexualité différente, et c'est pas en faisant un exorcisme que ça va changer quelque chose, tu vois. Donc ça montre qu'il y a quand même derrière quelque chose que les personnes qui font ça, qui savent pas, ils sont bien pas sûr au courant des choses, tu vois. Après, le truc que je me dis quand même, c'est si ça a fait cet effet-là, l'exorcisme, pour moi, le fait de se mettre à parler dans une langue différente, le fait, elle évoquait aussi le fait d'avoir des bleus corporels, etc. derrière, pour moi, ça relève pas que de la psychologie. Donc... je me dis si vraiment, effectivement, c'est quelque chose qui peut marcher aussi, enfin, fait dans un cadre, bien sûr, très protégé, pour moi, peut-être que c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger et mettre de côté en disant c'est que mal, tu vois. Après, il ne faut pas non plus sous-estimer le cerveau et le corps humain, hein, parce que, bien sûr. En soi, tu peux faire des trucs qui te font des bleus sans t'être tapé quelque chose, genre tu te pètes une veine, ça te fait un bleu, tu vois. Ou par exemple, il y a des personnes qui font des comas, par exemple, ou qui ont des traumatismes crâniens, et qui se réveillent de leur coma, et ils se mettent à parler une langue qu'ils connaissaient pas avant, tu vois. Donc en soi, ça peut juste être un biais du cerveau, quelque chose qui fait le cerveau, genre il a un déclic, et genre il se met a bugué d'un coup et tu te mets à parler une langue que tu connais ni Dave ni Dana. Ouais, je pense qu'on ne saura jamais de toute façon, enfin, on ne sait pas. Moi, je reste dans ma conviction que cet exorcisme-là peut faire quelque chose s'il est bien protégé et dans un cadre très particulier. Mais après, on en parlera après aussi dans la deuxième partie de tout cet effet-là de la présence du paranormal dans la société et qu'est-ce qu'on en pense et est-ce qu'on le prend avec suffisamment de pincettes ou pas, quoi. Oui, mais après, encore une fois, chacun ses convictions et chacun croit en ce qu'il veut du moment que ça lui fait plaisir et que ça n'empiète pas sur la liberté d'autrui, quoi. Bien évidemment. On est toujours dans Quoi Exprime avec Audrey et Léonore. On se retrouve après une interlude musicale avec Thriller de Michael Jackson. À tout de suite. On est toujours sur Quoi Exprime avec Éléonore et Audrey sur le thème du paranormal. Donc tout à l'heure, on a un peu débordé, on parlait, au niveau temps, on parlait de... on a entendu des petits témoignages, etc. Donc on va réenchaîner sur des petites questions. Est-ce que vous pensez, à l'heure actuelle, que le paranormal est davantage pris comme un phénomène de mode, de jeu, ou plutôt comme quelque chose de plutôt sérieux? Moi, je dirais que déjà, il y a clairement un phénomène de mode derrière le paranormal en ce moment, parce qu'on en voit partout dans les films, sur YouTube, dans les livres. Enfin, je sais pas, il y a plein de YouTubeurs qui racontent des histoires paranormales. Il y a même, on en parlait avec Eleonore il y a quelques jours, il y a même un éditeur de jeux super connu dont je tairai le nom. qui avait lancé pour Noël, une fois, si je ne me trompe pas, une planche de Ouija. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la Ouija, c'est les planches, vous savez, où il y a les lettres et vous pouvez, soi-disant, parler avec les morts en faisant bouger une goutte sur la planche. Et ils avaient lancé ça pour les enfants. Bon, perso, moi, je trouve ça un peu glauque. Ouais, surtout que la planche, c'est vraiment le truc rose. Vraiment, c'est un jouet, quoi. Après, j'ai vu, justement, de Hasbro, ils en font pas que des roses. Il y en a aussi des en bois, en bois basique, quoi. Mais après, je pense que le fait que tu dises que ce soit glauque, c'est assez représentatif que maintenant, le Ouija, c'est vu comme un truc assez malsain, entre guillemets, vu que ça a été représenté comme ça dans les films, etc., alors qu'avant, bah, il n'y avait pas forcément cette idée reçue-là, tu vois. Bah, moi, ce que je trouve, c'est que le problème, c'est que comme ça a été utilisé comme jeu, on va le faire comme ça pour jouer, sans vraiment connaître ce qu'on fait, etc. Et c'est là où il y a le côté malsain de se dire, bah, si effectivement ça existe, si effectivement c'est réel, bah, dans ce cas, c'est ultra malsain de jouer avec des esprits... négatif, enfin des esprits décédés, d'ouvrir des portes, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, on peut pas le faire juste pour un jeu, et dans ce cas, c'est pour ça que c'est représenté comme malsain. Par contre, après, si tu le fais proprement, entre guillemets, avec toutes les protections, et dans le but de parler avec une personne, et en particulier, peut-être que c'est pas malsain, tu vois, mais c'est la représentation, moi, je trouve, qui est malsaine, en tout cas. Après, je pense que ça dépend comment tu vois, si t'y crois ou pas, ça peut, enfin, tu peux en avoir quelque chose à faire ou pas, tu vois. Genre, par exemple, moi, une fois, j'ai fait avec ma famille du Ouija parce qu'ils voulaient absolument parler avec ma grand-mère décédée. Et je suis sûr à 100% que le fait que ça bougeait, c'était dû à quelqu'un ou à nous inconsciemment qui faisions bouger le truc, tu vois. Parce que j'arrive pas à me dire que, bah, non, il y a quelque chose qui fait bouger le truc, genre... Ouais, ça, c'est totalement possible. Enfin, moi, ça me paraît aussi totalement probable que la plupart du temps, ce soit nous-mêmes qui bougeons, même inconsciemment. Après, peut-être que parfois, c'est pas le cas. Et si parfois, c'est pas le cas, le fait de le faire en jeu, pour moi, ça peut être malsain, en tout cas. Je comprends, oui. Puis au-delà de même si c'est réel ou pas, il peut y avoir un côté malsain de se dire... venez, on va invoquer les morts, etc. On parle aux personnes décédées parce qu'en général, enfin, un décès, ça peut être aussi une blessure profonde, et jouer avec cette représentation-là, bah, ça peut être positif parce que ça peut permettre à certaines personnes de mieux faire leur deuil en disant, bah voilà, j'ai dit un dernier au revoir, etc. Et dans ce cas, tant mieux. Par contre, si ça réveille des failles en nous, enfin, moi, je trouve qu'il faut être précautionneux, en gros. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Très sincèrement. Ouais, mais après, ça dépend des convictions de chacun. Ça relève de l'ésotérisme et du fait de ce genre de croyances-là, comme les gens qui croient en l'énergie des pierres, etc., l'énergie des ondes, ça dépend, quoi. Est-ce que vous pensez que, dans la société actuelle, ça peut poser problème, la représentation du paranormal ? Bah, ce qui est dommage avec la représentation du paranormal qu'on a dans la société actuelle, c'est que c'est toujours en mauvais, en fait. C'est toujours dans des films d'horreur. Enfin, il y a très peu de films d'horreur qui représentent quelque chose de positif avec le paranormal. Mais alors que dans d'autres cultures, les esprits ou les phénomènes paranormaux, c'est considéré comme quelque chose de positif. Et un esprit, c'est pas forcément quelqu'un qui est là pour te faire du mal. Ça peut être quelqu'un de ta famille qui t'accompagne, qui te guide. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Nous, dans notre culture occidentale, on a forcément une représentation hyper négative à cause, en partie, des films d'horreur. Mais dans certaines cultures, c'est vu comme quelque chose de qui fait partie de la vie, quoi. T'as les esprits qui sont avec toi, les esprits de ta famille, et puis voilà, enfin, c'est normal. Alors que nous, on dramatise beaucoup la chose, et du coup, ça fait qu'on dramatise la mort, et c'est pas forcément quelque chose de très sain, à mon sens. Après, je trouve que le niveau paranormal, c'est très américanisé, dans le sens où faut que ça soit sensationnel, et faut que ça fasse du chiffre, etc., dans le sens où... on a importé ça des États-Unis et maintenant on doit se débrouiller avec ça, tu vois. Ouais, moi je trouve qu'il y a, plusieurs choses. Il y a le côté effectivement spectaculaire où là ça va être super présent dans les films d'horreur comme tu disais, Il y a des espèces d'enquêtes qui vont ressortir où tu vas aller venir dans une maison hantée, etc. Filmer ça pour jouer sur la peur. Bon, bah, effectivement, ça peut poser problème. Après, c'est comme tout. C'est si tu sais faire la part des choses entre le film, la réalité, etc. Je suis pas trop d'accord avec toi sur le fait que c'est forcément négatif parce que après tout ce qui est tarot, tout ce qui est divination, etc., bah ça peut aussi être représenté comme positif, comme t'as des esprits qui sont là pour. Enfin, moi je sais que dans ma famille on parle beaucoup de notre bonne étoile, tu vois, des choses comme ça. On a cette représentation aussi positive de se dire bah les personnes qui nous étions chères et qu'on a perdu, elles restent avec nous, elles nous accompagnent. Donc il y a quand même cet aspect là qui est positif. Après, ce qui, enfin, pour moi, le gros truc qui pose problème, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, donc tout ce qui est exorcisme pour des personnes homosexuelles, tout ce qui est vraiment, ce qui a disparu aujourd'hui, mais ces croyances que certaines personnes sont des sorcières ou quoi, ça a plus disparu en France, mais c'est encore présent dans d'autres cultures. En gros, c'est à partir du moment où des personnes vont vivre des discriminations à cause de croyances paranormales, quoi. Ça, pour moi, c'est très dangereux et c'est à dénoncer. Très bien. Donc, on va conclure. On a un petit événement sur le thème paranormal, ésotérisme et conviction qui se passe le 5 avril à 19h30 au bar de la Faille à Nancy. Donc on vous invite à y venir. Vous avez plus d'informations sur les réseaux sociaux Coexister, sur Instagram, Facebook. Coexister Nancy. Coexister Nancy. On est là aussi pour discuter avec vous si vous avez des questions ou quoi. Des petites remarques sur les émissions, pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre. Donc c'était votre émission Coexprime avec Audrey et Léonore ainsi que moi-même. On se retrouve dans 2 semaines pour Coexprime, une émission entre jeunes de différentes convictions.